Radio Cayenne, tout le monde écoute Radio Cayenne, tout le monde écoute Radio Cayenne, tout le monde écoute Radio Cayenne. Hey! Radio Cayenne est fier de vous annoncer la naissance de son blog. Radio Cayenne. noblogs.org Radio Cayenne tout attaché .noblogs.org. Chez Radio Cayenne, on fait pas encore dodo. Musique. Don't know. Oui, salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Alors après cette assez longue séquence sur les luttes pour les exilés un peu partout, on va enchaîner sur la situation à Bure, notamment en termes de répression. Alors donc pour rappeler, là début octobre, le 8 octobre, il y a eu des actions de répression, donc perquisition à Bure notamment. Donc il y a une copaine qui a été perquisitionnée, qui a été mise en garde à vue pour chef d'inculpation d'association de malfaiteurs. Et en parallèle, il y a la maison de la résistance, résistance au projet CIGEO à Bure, qui a été visitée par les gendarmes, qui disaient chercher une personne qui aurait prétendument pas respecté son interdiction de territoire. Donc les gendarmes n'ont présenté aucun justificatif pour pouvoir entrer dans le bâtiment. Ils ont fouillé toute la maison en contrôlant au passage quelques personnes. Donc les flics profitent largement de l'isolement et de leur impunité pour faire des intrusions répétées dans des propriétés privées, faire des contrôles abusifs, des pressions diverses, des réquisitions sur des plages horaires larges et plusieurs fois par jour, des humiliations lors de vérifications d'identité et de garde à vue, du harcèlement divers et variés, notamment en passant plus d'une vingtaine de fois par jour devant le lieu d'habitation en filmant les gens et les jantes, prise de notes de toutes les plaques d'immatriculation des véhicules s'arrêtant dans les villages du coin, etc. Voilà. Alors sinon, à part ça, à Bar-le-Duc, donc au tribunal de Bar-le-Duc, le mardi 16 octobre, pardon, juste pour resituer encore un petit peu, il y a une enquête qui a été ouverte en septembre 2017, suite à diverses actions qui ont eu lieu début 2017, donc en janvier notamment, et auxquelles il a été ajouté d'autres actions qui ont eu lieu, plus récentes, quoi, qui ont eu lieu depuis. Donc il y a eu quand même pas mal de perquisitions depuis. Et suite à quoi, il y a de nombreuses personnes en lutte contre ce projet qui sont en contrôle judiciaire jusqu'à la fin de l'enquête, et avec pour certaines interdictions de territoire à des rayons divers. Ah ouais, voilà, et donc interdiction de se voir, etc. L'avocat qui avait été interpellé il y a quelques semaines. Donc là, je voulais revenir juste rapidement sur le procès du mardi 16 octobre, donc où 13 personnes passaient en procès pour des affaires liées à la lutte anti-CIGEO, donc contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Apparemment, c'est vraiment une spécialité du tribunal de Bar-le-Duc de rassembler plein d'affaires touchant à cette lutte le même jour. Ce qui leur permet d'assurer un déploiement de gendarmes assez important à chaque fois. Donc là, le procès avait commencé à 9h. Les droits de la défense ont été pas mal bafoués pendant cette journée. Notamment, il y a eu des demandes de renvoi qui ont été refusées, qui ont été très difficiles à avoir. Alors que, notamment, il y a une avocate qui s'était cassé le pied, donc qui effectivement pouvait pas venir. Une autre qui a accouché peu de temps avant. Et voilà, pour ça, quand même, les prévenus ont été pas mal pris à partie par les magistrats, donc procureurs et juges. Donc notamment, pourquoi avoir choisi un avocat à Lille alors que vous habitez ici? Pourquoi avoir choisi maître machin? Était-ce par opportunisme pour obtenir un renvoi, etc. Voilà. Il y a eu quand même 7 renvois sur les 13 personnes du 16 au 5 février 2019. Ça a été quand même fini par être prononcé. Avec des demandes d'allègement de contrôle judiciaire. Vu qu'actuellement ça induit quand même des pointages assez lourds et des interdictions de territoire. Alors, ces allégements ont été rejetés pour deux des trois personnes qui en avaient fait la demande. Donc voilà. L'article que je vous survole rappelle quand même que les personnes sont présumées innocentes, mais elles subissent quand même un contrôle judiciaire très très contraignant. Donc il y a eu plusieurs procès pendant cette journée-là. Dans le premier, donc, c'était pour refus de signalétique, donc prise des empreintes, photos, etc. Pour violence, menace de mort et outrage. Et là, le procureur a quand même pu faire tout un couplet sur les pauvres compagnies de gendarmes mobiles qui apparemment subiraient un harcèlement typique que subit au quotidien la gendarmerie mobile à Bure. Qu'il y aurait une sorte de jeu d'aller emmerder les gendarmes, etc. Ils subissent trop de harcèlement. Donc dans sa bouche, c'est les gendarmes qui vivent ce harcèlement et non pas l'inverse. Voilà. Et le prétexte à ce harcèlement, selon les flics, c'est qu'il y a un refus de s'identifier des opposants et des opposantes, et que c'est pour ça qu'il y a une interpellation systématique comme ça. Alors il y a malgré les incohérences du dossier, le procureur a demandé 3 mois ferme avec mandat de dépôt. Une révocation de sursis de 2 mois quand même, et une interdiction de Meuse pendant 2 ans. Donc ça c'est les réquisitions. Le jugement pour les parties civiles est reporté, mais cette victime, entre guillemets, des gendarmes, demande chacun 600 euros d'amende pour s'être fait insulter. Donc il n'y a pas de petit profit quand on a déjà un salaire de fonctionnaire et tout, quoi, enfin bref. Alors, il y a eu ensuite un autre procès pour des faits qui remontent à janvier 2017, en l'occurrence un blocage d'engins de chantier dans le bois Le Juc. Donc, un renvoi avait été précédemment demandé pour manque de pièces au dossier. Donc au dossier envoyé à l'avocat, car une personne n'avait pas été prévenue qu'elle passait en procès et ce renvoi a été refusé. Il avait pourtant été négocié la veille entre l'avocat et le procureur. Celui-ci est revenu dessus, donc l'avocat n'a pas pu préparer le dossier. Voilà. La personne en question est accusée de s'être tenue sur le chemin devant l'engin pendant moins d'une minute, quand même. C'est quand même extrêmement grave comme obstruction, on va dire. Le procureur évoque la ténacité éprouvée pour bloquer l'engin, agripper l'engin est une technique, toute une grappe s'y accrochée. Apparemment, il y avait 3 personnes qui ont fait ça, mais l'engin était apparemment littéralement recouvert par 3 personnes. Voilà. La personne qui passait en jugement avait eu quand même la tête projetée contre un rétroviseur. Bon, ça lui a un peu pété le nez, apparemment. Par un vigile. Donc, l'avocat. Ah oui, alors pour la mise en contexte sur l'histoire de ce blocage d'engins de chantier, l'avocat de la défense a rappelé que l'ANDRA, donc l'agence qui s'occupe de l'enfouissement et de la gestion des déchets nucléaires, avait fait auparavant des travaux illégaux dans le bois Le Juc. Donc, on peut se dire que. Il y avait quand même une certaine même légalité plus que même légitimité à ce blocage. Donc la réquisition du procureur était de 3 mois de sursis simple pour chacun des prévenus, pour obstruction à des travaux publics par violence ou voie de fait. La partie civile demande 2 720 € pour des travaux qui ont été interrompus, mais tout de même facturés, et 700 € pour leurs frais d'avocat. Donc voilà, donc au cours de cette affaire, une autre rangée de 4 copaines ont été évacuées du tribunal. Ensuite, autre procès le même jour, le même endroit. Une prévenue de 60 ans est accusée d'avoir violenté les gendarmes qui la portaient lors de son expulsion de la maison de la résistance. Elle leur a donné des coups de pied au niveau de la tête et de l'avant-bras. Apparemment, c'était une championne de full contact. Donc le procureur, comme pour les autres affaires, a joué la victime, donc avec même un discours un peu particulier, a dit « Le discours de la défense est teinté de situationnisme et de conspirationnisme. » Donc voilà. Alors la défense évoque la complexité de voir toutes les prévenues en garde à vue, car les gendarmes ont fait en sorte de les éparpiller à travers le département. Oui, c'est vrai que c'est un département assez spécifique, et quand il y a des affaires là-bas, ben, tout le monde est effectivement éparpillé un petit peu partout dans les gendarmeries du coin. Donc ce qui fait quand même un sacré kilométrage. Donc voilà. Et là, il y a eu quand même un rire qui s'est échappé de la salle d'audience, et la juge a ordonné son évacuation. Ce à quoi les gendarmes ont procédé en filmant, d'ailleurs. Et le procureur a continué sa plaidoirie alors que les gens se faisaient mettre dehors. Et on rappelle que, en principe, juger à l'intérieur d'une salle de tribunal est interdit. Hein. Donc du coup, ça a donné lieu pour la suite des procès à une sorte de huis clos non officiel, non assumé. Donc les gens ont été poussés, pressés vers la salle d'à côté. Ouais. Vers la salle d'à côté. Ouais. Et... Ouais. Mais en fait, il y a tous les flics qui sont arrivés à ce moment-là et... Il y a tous les flics qui sont arrivés à ce moment-là, et du coup, la suite, il était plus possible de rentrer à l'intérieur du tribunal. Il n'y avait que les personnes prévenues et les avocats, avocates qui pouvaient rentrer dans la salle. C'est pour ça qu'on parle d'un huis clos non officiel, parce qu'en fait, le jugement était public, mais ce n'était pas possible de rentrer à l'intérieur. Du coup, là, pour cette affaire, la réquisition du procureur était de 3 mois de sursis simple. La partie civile, le commandant Dubois, qui n'en est apparemment pas sa première affaire, demande 300 euros. Donc il a dû avoir des petits besoins de rénovation chez lui, ou je ne sais pas, petit achat de matériel d'IFI. Donc l'affaire suivante, donc apparemment c'était un petit peu un marathon judiciaire cette journée-là, concerne une copaine arrêtée début septembre alors qu'elle marchait dans les rues de Mandrembarois. Oui, bah, alors les flics la contrôlaient pour la neuvième fois en 3 semaines, et la personne se serait énervée et les aurait traités de nazis. Donc les flics l'ont interpellée. En l'entendant crier, pas mal de monde a débarqué, les GM ont pris peur et ont gazé tout le monde. Et donc la copaine interpellée crache suite au gazage, hein, parce que bon, faut quand même évacuer ces produits lacrymogènes, et elle est donc accusée d'outrage et de rébellion en réunion, puis d'un refus de signalétique, donc photo et empreinte. Alors le réquisitoire du procureur s'appuie principalement sur le casier judiciaire de la copaine, deux condamnations précédentes, pour démontrer sa culpabilité. Parce que c'est vrai que si t'as déjà été condamné, bah tant qu'à faire, autant que ça continue, hein. Même sans preuve, voilà. Il a même été dit que le crachat posait des problèmes sanitaires et aurait une portée symbolique. Alors que c'était quand même pour se débarrasser des gaz lacrymogènes dans la sphère ORL, on va dire. Hein. Oui, voilà, oui. La partie civile fait savoir, pas recommandée, donc elle n'était pas là, mais, qu'elle demande 69 euros pour une paire de lunettes et 450 euros pour le crachat. C'est apparemment... Hein. Ça fait cher la mort, quand même. Comme ça, alors, une super paire de lunettes, hyper chère. Donc, voilà. C'est bête, on faisait des commentaires, mais les micros, ils étaient coupés, du coup, on est triste. Radio Cayenne. Donc là, ouais. Donc la réquisition pour ce crachat, c'est de payer les parties civiles. Donc alors là, il n'y a pas le montant. Plus 6 mois de prison avec mandat de dépôt quand même, dont 3 avec sursis et mise à l'épreuve. Obligation de travailler et interdiction de la Meuse pendant 2 ans. Et il y a eu un dernier procès, ce jour-là. Donc toujours pour outrage qui aurait eu lieu lors d'un contrôle routier à 10 mètres de la maison de la Résistance en août dernier. Donc la personne a fait le choix de se présenter sans avocat. Le procureur attaque le droit à garder le silence en dressant un profil psychologique type anti-tout. Donc, et peut-être même, il a été dit apparemment, et peut-être même anti-anti. On ne sait pas ce que c'est, mais... Voilà. Donc la réquisition, là, 3 mois de sursis avec mise à l'épreuve, obligation de travailler et interdiction de la Meuse pendant 2 ans. Donc là, ce qu'on voit quand même avec cette flopée de procès, c'est que c'est bien le harcèlement policier qui pousse les gens à bout et qui donne lieu à une flopée de poursuites pour outrage et pour des choses de ce type. Donc, pour revenir un petit peu sur cette histoire d'enquête pour association de malfaiteurs, donc qui court depuis septembre 2017, un appel donc à organiser les premiers bals des malfaiteurs, malfaitrices partout, aura lieu le 10 novembre. Et je vais vous lire le texte d'appel, alors qu'il est un tout petit peu long. Faut que je le retrouve. Voilà, c'est ça. Donc, BUR 10 novembre, appelle à organiser des premiers bals des malfaiteurs, malfaiteuses partout. Nous avons clamé que nous ne serions pas les prochaines à subir la répression, à BUR comme ailleurs. Il est temps maintenant pour nous de reprendre la main et de nous retrouver dans la rue. En fin de journée du 10 novembre, au cœur de l'automne, d'une année cousue et décousue par l'infernal tandem macronien de la concertation et de la répression, nous proposons de faire émerger et rejoindre les premiers bals des malfaiteurs, malfaitrices. Esquissons ensemble ce premier pas de danse et gageons qu'il y en aura d'autres. Ce samedi 10 novembre, nous voulons en faire un temps fort, partout en France et ailleurs, pour se ressaisir d'une longue séquence répressive qui dure depuis plusieurs mois à Bure, plusieurs années on peut dire, hein, et qui se cristallisera quelques jours après. Le 13 novembre, avec le délibéré de l'ubuesque et scandaleux procès du 16 octobre, qui sera rendu par le tribunal de Bar-le-Duc. Oui, la phrase n'est pas très claire, donc c'est le rendu qu'est le 13 novembre. Hein. Et surtout, le 14 novembre, avec une audience décisive à la Cour de cassation pour exiger la levée des contrôles judiciaires de 5 personnes mises en examen pour association de malfaiteurs à Bure. Un contrôle judiciaire, ce sont des mesures créées en 1970 dans le droit français pour qu'un juge puisse mieux garder la main sur des personnes suspectées. À Bure, depuis leur mise en examen et sous statut de témoin assisté dans l'instruction pour association de malfaiteurs en juin 2018, 10 personnes, amis, camarades de lutte, membres d'associations, sont bannies de différentes portions du territoire meusien ou haut-marnais, pour certaines interdites de sortir de France et tout bonnement interdites de se voir et de se parler, pour plusieurs années, tant que durera l'instruction. Le motif avancé ? Éviter qu'elles puissent harmoniser leur version des faits reprochés. La justice s'arroge donc le pouvoir même, de ruiner une relation entière pour éviter une petite discussion suspecte. Elle tue des amitiés pour contrôler un procès. Calculer chaque déplacement et chaque rencontre, mettre en place des gardes alternées absurdes à chaque réunion, raser les murs, la boule au ventre pour éviter de croiser une personne qu'on aime et ne pas nourrir les fantasmes policiers de la cellule bure, s'isoler en croyant se protéger, peut-on imaginer plus perverse prison à ciel ouvert. Utilisé de manière presque systématique à Bure dans d'autres procès contre les opposants-opposantes, ces contrôles judiciaires sont un scandale absolu et le silence qui les entoure pour l'instant ne les rend pas moins assourdissants. Alors, pour le 10 novembre, l'idée est simple. Brisons le cercle vicieux de l'isolement imposé par la répression pour reformer celui de nos solidarités aimantes et joyeuses. Donnons-nous rendez-vous devant les tribunaux et les places de nos villes, les bras emplis de vin chaud, infusions brûlantes, chocolat et autres victuailles. Déployons des banderoles affirmant que si association de malfaiteurs il y a, alors nous sommes tous, toutes, des malfaiteurs malfaitrices. Exigeons, d'une manière ou d'une autre, la levée des contrôles judiciaires scandaleux qui, à Bure comme ailleurs, nous empêchent de parler à nos amis, les prendre dans nos bras, vivre dans les lieux que l'on aime. Apportons bien sûr de quoi partager les infos sur ce qui se passe à Bure et partout ailleurs, car le laboratoire d'expérimentation répressive qui s'y installe concerne toutes les tentatives actuelles et futures de s'opposer à l'avancée vers le gouffre. Avec de la musique, des banderoles et des chants, c'est toujours mieux. appelle à l'inventivité de tous, toutes les malfaiteurs, malfaitrices qui ont envie de prendre part à la danse. Nous luttons en réseau, ils traquent nos cercles pas si concentriques, alors rythmons la cadence, arpentons les rues, lançons une année de farandoles et de balles et de rassemblements. Et pour ne pas passer la soirée dans le froid, à contempler les portes closes des tribunaux, lorsque nous aurons remballé thermos et infokiosques, continuons la nuit. Que nous soyons plutôt techno ou plutôt fest-noise, sound system ou crin-crin, accueillons la fête dans nos squats, lieux de réunion, cafés associatifs ou même dans nos salons. Dans nos salles de bain, si vous voulez aussi. Le gouvernement coud nos vies dans un canevas judiciaire qu'il nomme Association de malfaiteurs. Malfaiteurs, malfaitrices que nous sommes, reprenons les fils de nos histoires et tissons nos récits. C'est beau. On raconte qu'un jour, au royaume d'Atome, furent graines de révolte jetées au vent, et qui, de se pencher au fait des arbres pour une argueille gendarme, qui de s'enchaîner devers les machines aux dents longues, qui de parer main repas et de chanter biochant pour donner joie et cœur à toute la compagnie. Tant et si bien, ces chouettes hiboux firent la nique au roi et au saint procurateur que celui-là eut tôt de faire de leur envoyer son armée portant haut l'écu. L'escu et la gazeuse, voilà, c'est compliqué à lire tout ça. Tandis que le vieux français, en fait, c'est pas facile. Ouais, hein. C'est ça, c'est écrit en vieux François. Ouais. Tandis que celui-ci les mandoua devant son tribunal et leur parloit ainsi. Ah, ne cesserez-vous point de m'offrir, dit le procurateur. Faudra-t-il que vous mette en geôle ? Gardez donc, rirent-il, vos geôles pour celles qui les ont construites. Si c'est mal faire que de s'aimer et d'aimer la forêt, si c'est mal faire que d'être pour Isel que vous estriez de vos machines, remparts ou pavois, alors si fait, malfaiteurs nous sommes. On compte alors qu'en tout le royaume, leur réponse fit si grand bruit qu'aux vêpres venues, chacune et chacun s'assemblèrent. Il y a, ah voilà, en tant de jouvencelles que de vieillards, et tant fameux noceurs que de graves philosophes, et tous disois à part eux, si malfaiteurs ils sont, alors certes le sommes aussi. Les sorcières même, que le vil mépris des hommes avoir tenu au dehors des cités, et toi venu pour dire, malfaiteuses avons toujours été dans vos bouches, l'heure est-elle enfin venue de se clamer ensemble en nos danses et nos chants. Ainsi prit corps, dit-on, par un soir de novembre, le premier bal des malfaiteurs, puis il y en eut d'autres, et d'autres encore, et encore. Donc là, c'est la fin. et je peux préciser un truc, c'est fort joli, mais ouais, c'est un peu bourgeois la grammaire quand même. C'est un peu compliqué. Du coup, peut-être pour celles et ceux qui parlent pas le vieux François, l'idée c'est de faire des rassemblements devant tous les TGI. De l'Hexagone et peut-être au-delà. Ouais, donc ça à 17h, tu vas redire quel jour ? À 17h, le 10 novembre. Et que, du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont motivés, on voudrait pas faire de l'incitation à l'association de malfaiteurs, mais on va le faire quand même. Bah oui. S'il y a des gens motivés pour organiser ça, en fait. Ben... Incitation à festoyer. En tout cas, incitation à être devant les tribunaux le 10 novembre à 17h. Le 10 novembre à 17h. Pas de rendez-vous pour l'instant de fixer à Nantes ? Bah, Nantes, il y a un tribunal. Bah voilà. Le rendez-vous est un peu lancé. Et on n'est pas responsable, mais un peu quand même. Mais bon, voilà. Bah, on n'est pas du tout responsable. Et par contre, si. Moi, je voudrais juste rajouter que si ça peut être organisé par des gens qui sont plutôt en but à la répression et pas par les gens qui sont en ce moment en train de négocier avec les organisateurs de la répression, ce serait plutôt assez chouette. Hashtag dédicace nique la playlist. voilà, ce serait chouette que ce soit... au-delà de l'humour, ce serait quand même chouette que ce soit organisé par des gens qui sont actuellement qui mangent la répression dans leur gueule, quoi, et du coup par les gens qui ont lutté à Notre-Dame-des-Landes et qui se sont fait arrêter, par des gens qui ont soutenu les gens qui se sont fait arrêter, par les exilés qui en prennent plein leur gueule en ce moment, par les gens qui soutiennent les exilés, et je sais pas pourquoi je dis exilés ES. tardive, on va dire ça. Et en tout cas, voilà, ce serait chouette que ce soit pas organisé par des gens qui veulent faire du spectacle, mais plus par des gens qui ont de l'enjeu à ce que cette, qui sont solidaires et qui ont de l'enjeu à ce que ça s'arrête, cette répression. Alors, il y avait juste une question qui se posait dans le studio à Nantes. Avec ou sans farine? Avec Farine okay. Oblige, on peut pas okay. Fessoyer sans. Alors, juste pour ajouter sur cet appel, il y a un blog qui existe, qui s'appelle « Nous sommes tous des malfaiteurs », donc au masculin, .noblogs.org. Pour le masculin. Non, mais juste pour préciser, parce qu'on l'a féminisé dans le texte, mais... Et il y a un site pour suivre les luttes à Bure qui s'appelle burburbure.info, donc 3 fois Bure attaché sans espace ni rien, .info. B-U-R. Voilà. Et donc, je sais pas s'il y a des trucs à ajouter sur le sujet. Bah, on n'est pas responsable, mais en fait, vu que c'était marqué devant l'appel, que c'était devant les TGI, bah, il y a un TGI à Nantes, donc il n'y a pas besoin de trouver un lieu, un endroit, une salle. C'est déjà fait. Maintenant, il suffit qu'il y ait des gens devant. Il y a une heure, non? Il y a une c'est heure, 17 ouais. 17 heures. Ouais. 17 heures partout. 17 heures partout. 17 heures. Et au niveau du thème, faire une partie pour Nantes, je trouve ça pas mal quand même. Ça donnerait bien le ton. Il y a des gens à inviter. Il y a aussi un TGI à Saint-Nazaire. Ah, un TGI à Saint-Nazaire. Aïe, aïe, aïe. À Rennes, à Angers, je sais pas. Si, oui, c'est un TGI sûr, aussi, Angers, TGI, Angers, 17h, wow, novembre, c'est Angers. C'est trop bien parce que souvent on peut reprocher à des événements activistes et militants d'être un peu concentrés tout le temps dans la même ville. Bah là, c'est hyper accessible, il y a des TGI partout. C'est trop bien. Voilà, donc là, on va peut-être enchaîner sur un petit peu de zik. Ouais. Allez. Allez, c'est parti.